C'est ce soir que la nouvelle formule de réanimation prend officiellement effet. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Sinistros n'aura plus le droit de parole. Et par le fait même, nous retrouverons une émission un peu plus crédible, n'est-ce pas, mon cher? Mais j'avoue que ce n'est pas la vérité, que c'est dans mes rêves. Ce qui est vrai, par contre, mis à part le fait qu'il raconte n'importe quoi, et que cette première émission du mois des morts, soit novembre, verra aussi ce premier segment régulier de quatre être diffusé. Segment déjà utilisé par le passé sous une autre forme, soit la métallographie. À ce segment se grefferont hebdomadairement trois autres qui seront respectivement ceux-ci que vous connaissez déjà, mais qui seront réguliers. Deuxième émission du mois, l'évolution métallique selon Sinistros. Encore n'importe quoi. Troisième émission du mois, Mechanical Surgery, la musique industrielle et connexe. Quatrième émission du mois, les albums marquants, comme vous connaissez déjà. Et les mois qui comporteront cinq émissions se verront clore par une émission dite régulière. Ceci dit, que ça vous plaise ou non, on s'en fout. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant lorsque le « je m'en foutisme » est la pierre angulaire et le mot d'ordre de nos consultations, diagnostics et interventions. Priez pour ne pas y survivre en foi et cause fear. It's our fucking business. We are Hunted Incorporated, the cause. We said so. Let's go. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition du mois de novembre, comme je disais, mois des morts, de réanimation des Undead Incorporated Show. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de cet indissociable plaie du mauvais goût. Eh bien oui! Qu'est-ce qui distrousse? Allez vous faire foutre, connard! Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses ainsi? Bien sûr, juste à toi. Ben, j'adore ton impolitesse. Oui. Enfin, tu t'affirmes. Oui. On va peut-être faire je te dise quelque chose, toi. Vas-y. Le Rockmaster t'a rebaptisé. M'a rebaptisé. Il t'a appelé le Saint-Gobelin. Le Saint-Gobelin? Oui, parce que semble-t-il qu'il faut être saint pour pouvoir me supporter. C'est sûr. J'approuve. Merci, Rockmaster. Ben pour ça, je te demanderai pas comment tu vas. Ben, ça va pas bien, tu sais, comme d'habitude. Oui, c'est pas de tes affaires. Et moi non plus, ça va pas bien depuis que t'es là. C'était réciproque. Faut-tu le faire, hein? 55 minutes de route pour venir endurer cette chose devant moi. Puis faut-tu le faire, moi? Le laisser faire 55 minutes de route pour l'endurer à son tour. Eh bien, bonjour à nos deux ou trois auditeurs, parce que le troupeau a augmenté depuis les dernières semaines. C'est quasi exponentiel. Oui, c'est quand même pas pire. Ben, dans 10 ans, on va se ramasser avec 20. Ça va être bon. Ben là, je ne pas, faut être réaliste quand même. 18. Bon, OK. Un par année d'existence de réanimation. Wow. Bien entendre Noctem, formation espagnole, avec la pièce Abnegation and Brutality. C'est apparu sur l'album Oblivion, qui est paru le 13 juin 2011 sur Rising Records. Mm-hmm. Noctem, qui est tombé dans l'oubli un petit peu par après. Peut-être qu'ils vont revenir à un moment donné. C'est parce que quoi, ils sont plus actifs ou... Ouais, ils ont fait quelques mauvaises choses après. Là. C'était comme. Ils ont essayé d'atteindre la sauce un peu plus commerciale. Pis, ils ont voulu ratisser plus large. Des fois, c'est pas. Tu tombes un peu sur le côté Swedish death metal, puis c'est. Ouais. Bah. Ouais. Ça peut être risqué des fois. Très risqué. Witchery avec Wearer of Wolf's Skin, qui est apparu sur l'excellent Witch Krieg, qui est paru le 21 juin 2010. Oui, malheureusement, je trouve que le dernier album était un peu décevant. Ben, les deux derniers albums sont assez décevants. Non, arrête, toi. In Satan, in his Infernal Majesty Service. Ben, je l'ai pas tant aimé. Ah non, j'ai trouvé génial cet album-là. Bon, OK, on va s'astiner encore. Ben c'est, on est là pour ça. Ben, t'es pas là parce que t'es bon, puis moi non plus. Je sais. On est là pour s'ostiner là-dessus. Moi, j'avais bien aimé l'avant-dernier, mais bon, c'est subjectif. Faudrait peut-être que je jette. Faudrait peut-être que tu l'écoutes en premier. Oui, ah, c'est vrai. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça, voilà. Oui. Hey, on a eu la formation américaine Absou. Absou avec la pièce Abraxas Connectus qui est parue sur l'album Absou, qui est paru le 4 octobre 2011, qui était le sixième album du groupe. Ouais. Sixième et dernier album. Ouais. On ne sait pas ce qu'ils font. C'était le troisième album d'une trilogie, dans le fond, qui réunissait Tara, Absou et Abzu. Oui, voilà. Effectivement, une formation qui a quand même une bonne feuille de route derrière elle, ouais. Qui existe depuis 89, ouais. Sous le nom de Dahlman, qui a changé le nom en 90 à Azathoth. Pour devenir en 90, encore une fois, Eternus, en 90, il changeait encore de nom, il est très indécis. Oui. Pour être en Nécrotique et pour devenir finalement Absou, ce qu'ils sont depuis 1991. Donc, fait intéressant, c'est que le leader et chanteur du groupe, c'est le batteur. C'est un peu spécial, là. Ben, ça fait un peu comme à l'époque de Exciter. Effectivement. Ouais, tout à fait. ce soir, à l'émission, nos deux, trois chers auditeurs, nous avons le retour de ce segment qui a été fait par le passé, qui a été abandonné d'une certaine façon par je ne sais par quelle pour quelle raison d'ailleurs. Par les forces des choses à un moment donné. Ouais, probablement. Soit la métallographie. Et Sinistros et moi avons convenu que peut-être que le premier artiste ou groupe en fait auquel on devait consacrer ce segment, qui est ce soir, pouvait difficilement être un autre qu'un des grands pionniers. Oui. Qui a la formation Black Sabbath? Ben en fait, la métallographie, ça va un peu se greffer à l'évolution métallique. Ben, c'est très connexe. Hein? On va ratisser pas mal plus large. On va s'attarder à. On va y aller. Là, on part de 1970. Là, fait qu'on va descendre jusqu'à 2018, comme ça, avec des groupes qui auront marqué l'histoire métallique, mais plus en profondeur. On va surtout aussi s'attarder à certaines pièces qui sont méconnus, certaines périodes qui sont un peu méconnues. Ou des fois sombres, ou des fois peut-être sombre, même moins ça. Bonnes. Oui, c'est ça. Mais qui ont quand même été importantes dans le segment du groupe. Black Sabbath est un excellent exemple, Sinistros, oui. Parce que c'est une formation qui existe depuis quand même 1969, sous ce nom, et qui a vu sa fin apparaître l'an dernier, en 2017 avec la tournée finale et le mini-album ou le EP The End. Mais Black Sabbath était une formation qui a eu énormément de chaos dans sa, dans son parcours. Beaucoup, beaucoup de dissensions, beaucoup de, je dirais, de rancune, de frustration. Il y a eu beaucoup d'égo aussi, je pense, là-dedans. Il y a eu beaucoup d'égo. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup de comment je pourrais dire, il y a une certaine personne qui s'est immiscée dans le groupe et qui a foutu le bordel aussi. Mm-hmm. Et on sait de qui on parle, bien sûr. C'est une certaine Sharon qui aura fait de Ozzy ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est attiré un peu clown, mais bon. Et parce qu'à la base, Black Sabbath, c'était quand même un noyau relativement serré. Quatre gars qui avaient une certaine vision qui était assez similaire à de la musique, de où ils voulaient s'en aller. Et ils ont été très innovateurs aussi. Oh oui. Sont arrivés avec une musique beaucoup plus lourde. Et c'est qu'il faut savoir que Black Sabbath avait été un groupe fortement blues. Blues, carrément blues. Carrément c'est blues. Sûr que les influences blues ils demeurent beaucoup dans Black Sabbath. Là. Oui, c'est parfait aussi. Pour devenir une formation qui a amené une musique beaucoup plus lourde, beaucoup plus sombre, et on les appelle les créateurs du doom metal. Oui, mais bon, les grands-pères du heavy metal aussi. Est-ce que c'est vrai? Bon, difficile, parce qu'il y a eu du proto-metal avant ça dans les années. Oui, ben, effectivement, mais tu sais, on parle beaucoup de Black Sabbath, mais tu sais, comme l'évolution métallique l'a si bien montré, il y a eu des groupes à la même époque, tu sais, Lucifer's Friend ou Coven ou des trucs comme ça, oui, qui faisaient de la, oui, musique un peu, ben déjà, un peu sombre, un peu flyée. Oui, oui, oui, oui, oui. Fait que de dire que Black Sabbath, oui, peut-être que c'est les pionniers du doom, peut-être, mais... Je dirais que Sabbath aura propulsé de façon plus ouverte, avec une meilleure visibilité, ce type musical. C'est peut-être plus ça. C'est ça. Quoi qu'il en soit, ils ont tiré leur épingle du jeu, ils ont amené bon nombre de groupes à suivre un exemple qui est un peu le leur, à sortir des sentiers battus et devenir un peu plus, je dirais, plus heavy, si on veut. Donc, faut rendre à César ce qui est à César. Black Sabbath, c'est définitivement une formation qui est emblématique dans le mouvement du heavy metal. Et on a choisi de faire un survol. Ben, en fait, c'est difficile. Il faut comprendre que dans ce qui va être les métallographies à l'avenir, on peut pas faire un survol complet parce qu'on passerait des parce que des groupes comme Iron Maiden, ou si on a 15, 16, 18, 20 albums, on pourra pas tout couvrir. Non, non, non. On va chercher des highlights, c'est ça, qui sont principalement rattachés à des moments, des périodes ou des albums qui ont été, je dirais, emblématiques. Oui, comme tu le disais très bien tout à l'heure, ben ouais, t'as quelque chose de très... Oui, oui, ça m'arrive de temps en temps. C'est la fois du mois, je suppose. Des segments qui auront été différents ou qui auront marqué le passage du groupe. Sinistros a choisi 4 pièces pour ce premier bloc, parce qu'il va se diviser toujours en 2 blocs. La vision de Sinistros, la mienne, ou le complément, pour ainsi dire. Tu as choisi 4 pièces, comme je le disais, pour ce premier bloc de métallographie. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de tes choix. Ben, j'ai choisi les deux premiers chanteurs, tu sais, soit Ozzy et Dio, dans le fond, qui ont vraiment, tour à tour, propulsé Sabbath et la musique heavy metal, en général, à un autre niveau. Oui. Black Sabbath avec le premier album, puis mettons Paranoid ou avec Master of Reality, on s'en allait ailleurs, là, tu sais. Ben oui, ben oui, quand Dio est arrivé, ça a été comme un coup de masse en pleine face, là, puis tu sais, il y a beaucoup de groupes qui sont comme assis, puis on dit, attends une minute, là. Ben, Dio était le sauveur du groupe. Effectivement, effectivement, oui. Il est arrivé avec un nouvel aspect théâtral, avec, tu sais, il était complètement... le contraire de Ozzy sur scène, oui, charismatique au fond. Ozzy, lui, à un moment donné, il... Ben, tu sais, à ses débuts, Ozzy bougeait beaucoup, mais il était un peu clownesque. C'est ça. Alors que, c'est bien dit, Ronnie James Dio était beaucoup plus théâtral, beaucoup plus charismatique. Il s'impliquait énormément dans l'aspect visuel. Et c'était le seul, parce que les musiciens de Black Sabbath, ça n'a jamais bougé. Non, ils ont les pieds. Ou à peu près pas, c'est là. C'est ça. Fait qu'on va entendre 4 pièces issues de 4 albums différents. C'est albums. Une bonne idée. Oui, ben c'est... Non, moi j'ai décidé de... C'est le même album. 4 tunes, c'est le même album. Puis je vais jouer 4 fois la même tune. Non, non, mais es-tu marquant ou pas marquant? Ben oui, définitivement, elle avait l'air à l'être, là. Fait qu'on va avoir 32 minutes de Paranoid. Tune qui est absolument inconnue d'ailleurs. On va voir les albums Black Sabbath, Master of Reality, Heaven and Hell et Mob Rules. Nous entendrons tour à tour N.I.B., Children of the Grave, Neon Knights et The Mob Rules. Allons-y à Métallographie réanimation. Go. Thank you. bobos les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Financer ton association étudiante, t'es pas obligé d'être une corvée. Avec le service d'activité de financement du Diorama Trois-Rivières, c'est possible d'avoir du plaisir tout en ramassant de l'argent. À prix avantageux et avec une variété de forfaits, toutes les associations de l'UQTR, viens au Kiorama avec tes collègues et amis pour passer une soirée des plus divertissantes. Pour plus d'informations, contacte Alexandre Thibault au 819-694-0990. Fou de rock! C'est le 89.1. On est désolé pour les amateurs de pub, on est en retard de 15 minutes. Oh! Qu'on n'est pas fiable. Première partie de cette métallographie, premier segment qui s'adresse à Black Sabbath, c'était les choix de Sinistros. Et oui, on vient d'entendre The Mob Rules, qui est paru sur l'album Mob Rules, paru le 1er octobre 1981. Désolé, c'était écrit en patte de mouche. Ça aurait pu être en patte de guêpe, mais finalement. Neon Knights, qui est paru sur Heaven and Hell, qui a donné le nom à... La deuxième incarnation ben de oui. Sabbath avec ben oui. Dio. C'est paru en 1980, le 25 avril, plus précisément. C'est tout sur Warner, sauf les deux premiers albums. Mm-hmm. On a eu Children of the Grave, qui est paru sur Master of Reality, le 21 juillet 71, sur Vertigo. Et NIB, qui est paru sur l'album éponyme Black Sabbath, qui est paru en 1970, sur Vertigo également. Bonjour Horace, ça va bien? Je pense qu'il apprécie. Oui, il aime Black Sabbath. Ben, t'aimes ça, Black Sabbath? Bon. Ça ne me dérange pas. c'était des bons choix. Tu sais que, comme on disait tout à l'heure, quand Black Sabbath était pratiquement cassé sa pipe quand Ozzy a quitté après l'album Never Said Die. Ben, est-ce qu'il a quitté ou ils l'ont congédié? C'est ambigu, ça, cette histoire-là. Puis c'est un peu nébuleux parce que... Il y en a qui disent qu'ils l'ont congédié pour diverses raisons. À l'époque, Ozzy commençait déjà à avoir certains problèmes. J'ai lu comme une genre de mini-biographie. T'as-tu lu ça dans le TV Hebdo? Oui, c'est pas bon. Hein? Non, c'est très vrai. Ah, c'est okay. Très, très vrai. C'est très, très vrai. Je pensais qu'Alliopolis, c'était mieux, en tout cas. Non, c'est moins crédible. C'est moins crédible, OK. Ouais. Le lundi, puis TV Hebdo, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Il disait qu'Ozzy, dans plus que les derniers moments... La bisbée était poignée dans le band. Oui. Il y avait de la misère à chanter ses textes. Wow. Il arrivait en retard dans la pratique. Des fois, il se présentait pas pantoute. Exactement. Des fois, il arrivait en retard au spectacle carrément. Puis Black Sabbath embarquait sur le stage 2-3 heures de. Ah, bien sûr. Écoute, c'était monnaie courante. Tu sais, à l'époque, on peut pas systématiquement tirer la pierre uniquement à Ozzy Osbourne parce que Butler, Ward, puis IME, c'était des gens qui eux autres consommaient aussi là, puis qui étaient pas nécessairement toujours dans un état premier là. Par contre, probablement que ça a été à l'usure qu'Ozzy les a eus, puis qu'ils se sont dit, garde, c'est plus ça que tu veux faire, ben va faire un tour ailleurs. Mais bon, mais toujours est-il que l'idée d'aller chercher Ronnie James Dio a probablement été la meilleure qu'ils ont eue à cette époque-là. Ils auraient peut-être même dû le faire avant. Peut-être. Quoique Dio n'était peut-être pas disponible non plus. Peut-être disponible, mais bon. Ouais, lui, il est avec Rainbow. Oui, c'est ça. Mais c'était une des meilleures idées parce que Heaven and Hell et Mob Rules sont deux albums carrément emblématiques dans la carrière de Black Sabbath. C'est des albums qui sont vraiment très, très, très highlight, qui ont ramené le groupe, comme on disait un peu plus tôt, sur une scène beaucoup plus éclairée. Mais aussi avec un genre qui était très renouveau là. Ben, c'était beaucoup plus élevé que c'était un son beaucoup plus métal. Ben, t'avais un son plus actuel aussi. Ouais. Puis Ron James Dio, c'est un chanteur qui était parfaitement adapté à la formation. 19h48. Moi, je vous apporte maintenant. Je vais vous apporter dans quelques instants vers la deuxième partie de cette métallographie. Cette fois-ci, moi, je me suis attardé à une période que, en fait, je dirais, il y a trois périodes dans ça. Il y a la période qui a été très très brumeuse de Black Sabbath. Au départ de Ron James Dio pour sa carrière solo. On est allé chercher Ian Gillan de Deep Purple. Mais à l'époque, Deep Purple était pas très actif, voire pratiquement inexistant. Donc, IME sonnait à la porte de Ian Gillan. Il a dit, regarde, ça t'intéresse-tu de faire partie du band? On va enregistrer un nouvel album, blablabla. C'est le concept. Puis Ian Gillan a dit, oui, je vais le faire. Ben, évidemment, Gillan, il n'y avait rien devant lui. C'est ça. Mais c'est quand même un très bon album, là. C'est un excellent album. On parle de Born Again, qui est le 10e album de Black Sabbath, paru en 83. C'est un très bon album que j'ai réécouté encore la semaine dernière avec grand plaisir. Mal enregistré, par contre, une production telle que telle. Mais le problème principal qu'ils ont rencontré, parce que moi, j'ai vu le spectacle de cette tournée-là, c'est Ian Gillan. Ian Gillan est devenu le problème de Black Sabbath parce que Gillan, lui, il sort d'un trip Deep Purple, qui frise un peu le psychédélisme. Flower power, pratiquement. Et il arrive sur scène habillé comme avec Deep Purple. Il arrive habillé en blanc. Il arrive habillé avec des bongos autour de sa ceinture. Puis il commence à envoyer la main à tout le monde. Puis c'est la joie de vivre. T'es avec Black Sabbath, gars. Ouais. Tu dois pas faire ça. T'es pas joyeux. Tu devrais pas être joyeux. T'as une chance d'aller avec un band major qui, oui, renaît un peu de ses cendres à quelque part, mais t'as une chance de pouvoir faire ta place avec quelque chose qui est emblématique dans le domaine du métal, mais qui est sombre, qui est dark. Fait que arrive pas l'habiller comme si c'était un preacher, là. Come on. Le show était très moyen, par contre, parce que le son est exécrable au départ, et ils sont arrivés presque une heure et demie en retard, là. Oh! Ça va pas bien, là. Donc, mais l'album est excellent. Moi, je vous propose justement d'aller faire un tour vers la portion Gillan, qui était très, très courte, on s'entend, un album. D'aller faire un tour vers une autre séquence de Black Sabbath que moi, je n'aime pas du tout, mais qui était un peu plus longue quand même, celle de Tony Martin, avec entre autres une pièce tirée de Eternal Idol, qui était le 12e album de Sabbath. Et il semble-t-il le plus apprécié de ce segment-là, et de conclure avec le retour de Ozzy Osbourne avec l'album 13, le 18e, paru en 2013. Donc, voici ce deuxième segment. Non, Sinistros, j'allais faire une grosse gaffe. Je pense qu'on va passer tout de suite la publicité parce qu'on en a quand même pour pratiquement 20 minutes. Alors, pour les amateurs de pub, c'est pour vous. Juste pour vous, à Réanimation. Simon Lagamière est en tournée avec son premier album solo, samedi soir de semaine. Cette danse en ligne est kamikaze. La délinquance déclenche encore un moche. Vite. Ne manquez pas la chance de le voir en spectacle vendredi 9 novembre au Nord-Ouest Café dès 20h. Billets disponibles via lepointdevente.com. Toutes les dates au simonlaganière.com. Album en vente et en écoute partout. Pour entendre la meilleure musique et commencer la semaine du bon pied, écoutez Les Palmarès C'est Fou. En direct, tous les lundis matins, de 7h30 à 9h30, sur votre Radio Campus, le 89.1 FM. Tu souhaites garnir ton CV tout en ayant un emploi épanouissant? Deviens journaliste pour le Zone Campus. Que tu aimes l'actualité, les sports ou encore les arts et spectacles, c'est l'occasion idéale de t'impliquer et de t'ouvrir les portes du marché du travail. Envoie ton CV et ta lettre de motivation dès maintenant à rédaction.zc@uqtr.ca. Fou de vitamines. C'est fou, 89 ans. sur les ondes du 89.1 FM. We'll be right back. pourquoi tu pleures de même, Sinistro? Ben, je l'entends. Je t'ai même pas rien fait encore, là. D'accord. Attends tantôt. C'est ce qui met fin à ce premier segment de la météorographie. Épisode 1. Épisode 1 qui s'adresse à Black Sabbath. À l'instant, on vient d'entendre un extrait du dernier album studio complet de la formation Black Sabbath, bien entendu. Avant qu'ils ne se séparent, l'album 13, qui était le 18e, paru le 7 juin 2013 sur Vertigo, la pièce étant End of the Beginning. C'est un album qui a reçu une excellente presse. Oh, c'est un bon album. Ça. C'est un très bon album. C'est un retour à ce que les gens voulaient réentendre de Black Sabbath, selon moi. Il y avait eu un petit peu le petit hint quand il avait sorti un album d'Heaven and Hell. Oui, ben disons que ça, c'était un soubresaut qui était très bref, par contre. Ouais. Et tu sais pourquoi il s'appelait Heaven and Hell? Parce que Sharon, elle voulait pas qu'il s'appelle Black Sabbath. Elle avait rapatrié le nom de Black Sabbath sur sa gouverne. Donc, les amis de Black Sabbath, c'est-à-dire ton ami Butler, ont décidé de recruter encore Ron James Dio pour refaire quelque chose du Black Sabbath, mais ils pouvaient pas prendre le nom. C'est un peu niaiseux, mais bon. Mm. C'est un album qui était correct, est très, très pesant, par contre, très lourd. Là, c'est un album qui était fort correct. Donc, comme je disais, End of the Beginning, c'est le dernier album studio de Black Sabbath dans sa version la plus semblable à l'original, parce qu'évidemment, Bill Ward n'était plus là. Mais je dis ça, j'ai un doute. Est-ce qu'il était là? Non, il n'était pas là. Il était pas là, hein? Bill Ward, il voulait être là. Je pense qu'il pouvait pas. Ben, lui, il voulait, il pouvait, mais le restant du groupe ont jugé qu'il pouvait pas. Il l'avait comme invité, puis finalement, ça a comme pas marché. Oui, effectivement, c'est Brad Wilk qui a fait le drame, c'est ta raison. Juste avant, nous avions une période de Sabbath qui, moi, ne me plaît définitivement pas, c'est-à-dire la période de Tony Martin au vocal, la pièce étant Lost c'est Forever. Joyeux, hein? Ben, ça fait trop power metal, ouais. À mon goût. Je trouve trop... Je trouve qu'il se prend trop pourtant, sérieux, ce gars-là. C'est lui qui a quasiment fait le plus d'albums. Ben, il en a fait, en tout cas, il en a fait plus que Dio, ça c'est sûr. Il en a pas fait plus que Ozzy, bien sûr, mais c'est lui le deuxième chanteur qui en a fait le plus. Ouais. La pièce étant Lost Forever, qui est tirée de l'album The Eternal Idol, le deuxième album studio Black Sabbath, qui est paru le 23 novembre 87 sur Vertigo également. Moi, je trouve que c'est un gars qui se prend trop au sérieux, puis je trouve que le type de vocal compte pas du tout avec le groupe, mais bon, c'est important de le souligner. Il a été important dans le timeline de Black Sabbath, et on est ouvert avec une très bonne pièce, parce que je considère étant un chef-d'œuvre du groupe Zero the Hero, qui est paru sur le 10e album Born Again, qui lui est paru, tant que lui, le 83 sur Vertigo également. Et c'est malheureux parce que Born Again, c'est un très bon album, mais il sonne pas bien. Ouais, c'est mal enregistré. La production est très gricheuse, manque beaucoup, beaucoup de dynamique. De dynamique, manque aussi de basse fréquence, de moyenne et haute moyenne fréquence. Tout est consacré vers l'aigu, ce qui griche constamment. Mais faut dire que malgré le fait que j'avais trouvé que Gillan live c'était moyen, sur l'album il fait un bon travail. Donc voilà. On va aller faire une courte incursion vers le cinéma et les séries télévisées. Est-ce que tu as vu Sinistros, le premier chapitre du film mettant la vedette de Denzel Washington, The Equalizer? Non. T'as pas vu ça? Non. Film de 2014, soit absolument, tu vois ça, c'est un des meilleurs films d'action de la décennie. C'est vraiment excellent. C'est très, très bon. Là, je vous parle de la suite d'Equalizer 2, qui met toujours en vedette Denzel Washington, qui est un très bon acteur, hein, soit dit en passant. Oui. C'est quelqu'un qui endosse très bien ses rôles. Et c'est toujours le retour de Robert McCall, qui est un... En fait, c'est nébuleux un peu dans le premier film. Ici, on le sait un peu plus. C'est un agent qui faisait partie de Force Spéciale Secrète, donc quelqu'un de très hot, mais qui aura complètement décroché à la mort de sa femme et qui mène une vie excessivement rangée et très, très, très ordonnée. C'est incroyable. Ordonnée dans tous les sens du terme, là. Très paisible. Et un soir, dans le premier film, il rencontre une pauvre prostituée qui est exploitée par un clan russe qui la maltraite, insulte et décide que ça devrait pas être ça. Donc, il aide la fille. C'est un bon samaritain. Dans le deuxième, il continue à le faire. Continue à, au nom de la justice, à défendre les exploités et les opprimés. Mais malheureusement, le film a perdu un peu de son essence. C'est bien, c'est bon, mais malheureusement, il y a des longueurs et il y a beaucoup moins d'action. Ben, on va écouter ça. Mais c'est un bon film quand même, l'Equalizer et tout, mais je te suggère d'écouter fortement le premier. Il est vraiment très bon. Et maintenant, un truc sur lequel on sera sûrement pas d'accord, c'est la troisième saison de Daredevil, qui est une série de Marvel, connotation action et criminel, qui met en vedette Charlie Cox. C'est Daredevil ou Matthew? Il fait un meilleur Daredevil que Matt Damon. Pas Matt Damon. Ben Affleck. Ben Affleck. Oui, absolument. Oui. Ben, quoique, j'ai réécouté il y a quelques temps le film avec Ben Affleck, puis c'est moins pire que dans mon souvenir. Là. Non, c'est pas un grand film. Mais tu sais, c'est les premiers balbutiements des films de super-héros. Oui, hein, ben, non, pas vraiment. Il y en a eu dans les années 60, fin 70, début 80, qui n'étaient pas vraiment des navets, mais bon. Cette troisième saison, eh bien, moi, elle m'a déçu. Elle m'a déçu parce que malheureusement, moi, je considère que... J'étais un peu d'accord avec l'opinion d'Alain, le Rockmaster. Des films de super-héros, là, ça devrait pas se prendre au sérieux. C'est des super-héros, hein? Mais ça se peut pas, là. C'est complètement... Par moments, c'est complètement farfelu, là. Oh. Quand un super-héros entre dans une portion psychologique, de se remettre en question de qui il est, d'où il vient, pourquoi il le fait, moi, il me perd. Ben, tu sais, moi, c'est ce côté-là que j'aime. Ben, toi, tu connais rien. Je sais. Bon, fait que tais-toi donc, toi. OK. moi, j'ai pas aimé ça du tout. J'ai pas aimé cet aspect-là. La série n'est pas mauvaise, elle est pas... Je l'ai pas détestée, mais je me suis ennuyé par moment. Ben, c'est long par moment. Il y a des longueurs. Moi, j'ai très bien aimé la série. Ce qui m'a fait un peu suer, c'est les aberrations, tu sais, à un moment donné. Il y en a, oui. Tu sais, quand il y a Memphisk, bon, dans le penthouse. Oui. Il y a personne qui est fouillé là. Il se retrouve avec un cellulaire. Il y a personne qui... Il y a même un sous-sol. Il y a même un sous-sol. Il surveille tout le monde, ça, dans la ville. C'est le FBI. Il y a personne qui a vu ça. Non. Là, quand il y a des combats, ben, à un moment donné, tu sais, t'as Daredevil qui mange des varlopes. Puis c'est correct qu'il mange des varlopes. Mais soyons un peu conséquents avec ce qu'on fait. Il se bat contre un seul gars qui est un créateur de costumes. Oui. Puis Daredevil, il mange une volée. Puis 8 secondes après, t'as l'FBI qui arrive avec une dizaine de d'agents super armés, super entraînés, puis il est next tout à lui tout seul. C'est comme... C'est quoi, là? Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a rappelé, comme je te disais tout à l'heure, un peu moins pire, beaucoup moins pire, je dois le dire, mais ça m'a ramené un peu au segment de la 7e saison de Walking Dead où Rick Grimes est complètement léthargique et perdu dans toutes ses pensées. Et il ne sait plus qui il est, pourquoi et qu'est-ce qu'il devrait faire. Non, ça, moi, je veux pas rien savoir de ça. Si je veux avoir des films de même, m'écouter des drames psychologiques, OK? Mais quand je veux écouter de l'action comme des trucs de super-héros, j'en veux de l'action. C'est ça que je veux avoir. Puis je trouve qu'ils se sont un peu perdus dans cette troisième saison de Daredevil, qui pour moi, malheureusement, est la plus faible des trois. Et j'espère qu'ils vont se rattraper parce que à ce train-là, ils vont me perdre comme spectateur, c'est sûr. Rien à voir avec Punisher. Non, mais là, c'est sûr. Ça sent bien. Ben oui. Ce vendredi, 9 novembre, c'est la sortie du film Overlord, qui devrait être un excellent film de guerre et d'horreur. Donc, il semble-t-il que ceux qui ont vu l'avant-première ont été très impressionnés par ce film. Donc, c'est ce vendredi que ce sera au cinéma, sur grand écran. Je vous parle maintenant de la première présentation de la soirée qui s'adresse à une formation de Stockholm en Suède et qui porte le nom de Bloodbath. Formation que vous aurez peut-être mieux connue à l'époque de Mark Akerfeld de Hopeth avec l'excellent Fathomless Mastery. Quoi qu'il en soit. Ou le mini-album Breeding Death. Oui, tout à fait. Quoi qu'il en soit, depuis Grand Mumbry Funeral, le rôle de chanteur a été repris par Nick Holmes de Paradise Lost. Il fait un travail extraordinaire. Très, très bon travail. C'est un album que j'ai beaucoup aimé. Un peu plus blackish que... Un petit peu, mais moi, ça m'a pas achalé. Non, ça m'a pas achalé. C'est un album que j'ai trouvé qui porte le nom de The Arrow of Satan is Drowned, qui est paru exactement, je vais vous le dire, le 26 octobre dernier, un vendredi bien sûr. Album que j'ai trouvé qui se renouvelait bien, très efficace, bonne production. J'ai pas vraiment trouvé de moment très faible sur l'album. Peut-être que peut-être qu'il aurait pu avoir des moments un peu plus intenses, mais bon, quoi qu'il en soit, je lui donnais 8,5 sur 10. Et je vous fais écouter tout de suite deux pièces qui sont pour moi ceux qui ont été les highlights de l'album, soit la première, une pièce qui parle de margarine, Fleischmann. Oh! Fleischmann, c'est son nom. Ainsi que Wayward, Samaritan, Bloodbath. Let's go! aimes la pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos deux pour un. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte leRestoZone.ca. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Du monde. C'est fou, 89.1. Well, 20h31. Et on vient d'entendre à l'instant deux extraits de ce nouvel album de Bloodbath, c'est suédois de Stockholm. L'album étant The Arrow of Satan is Drowned, qui est paru le 26 septembre dernier sur Peaceville, leur cinquième album. Il est tendu avant la pause publicitaire Wayward Samaritan et la pièce d'ouverture de l'album Fleischman, deux pièces que j'ai trouvées vraiment excellentes, qui montrent quand même, je dirais, un bon aperçu de ce que Bloodbath nous réserve pour cet album. Album, comme j'ai dit tout à l'heure, auquel j'attribue une note de 8,5 sur 10. Ah, moi, je lui ai donné un 8,8. Oh, toi, tu marches en hexadécimal. C'est vrai. Faire des choix en 4, c'est ta spécialité. Moi, je fais des fois pi. Oui. Pi. Pi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ouais. Je vous parle de la deuxième présentation de la semaine, qui est une formation... je suis pas certain que t'aimes ça, toi. À l'éternel? Oui. Ben... Pas tant, mais j'ai pas mal du seul aimé ça, je pense. Formation de Brutal Death Metal, formation américaine qui met en vedette, je dis en vedette parce que c'est Rick Rutan qui est le cerveau de la formation. Rick Rutan qui a produit souvent les albums de Morbid Angel, il a quand même joué live avec Morbid Angel. Il a quand même fait l'album Heretic, je pense, oui. Donc, Rick Rutan, c'est quelqu'un qui a une vision musicale très particulière. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il nous donne l'impression que ne faire que du brutal death metal, c'est quelqu'un qui a une vision musicale assez ouverte quand même. Mais c'est ce qu'il aime faire musicalement avec son groupe. Et c'est quelqu'un qui, généralement... Bon, le batteur, ça fait un certain temps qu'il est là, mais souvent, les musiciens voyagent, là. C'est-tu parce que c'est un Chuck Schumacher? Je ne sais pas. Ça pourrait arriver. Ou un Dave Mustaine. Et ça tombe jamais. cet album porte le nom de Upon Desolate Sands. Et je le considère tout ce que plus efficace dans le genre brutal, mais à la fois, ils ne sont pas des sentiers battus. C'est pas mal pareil de ce qu'ils ont déjà fait. Mais en contrepartie, il y a gros des groupes qui ont tout le temps fait la même chose pour trouver que c'était une très bonne pièce. Ah oui. Motorhead, AC/DC et compagnie. Bon. C'est sûr qu'ici, c'est un peu moins accessible que Motorhead, peut-être, là. Et moi, personnellement, ce que j'en dis de ce septième album, c'est que c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais il m'apporte exactement ce que je m'attendais d'avoir de Hate Eternal. Comme une bonne beurrée de beurre d'épinote et de la confiture. Moi, j'ai jamais goûté à ça avec de la confiture. Tu vois, t'as essayé avec quoi? Juste avec du beurre d'épinote. Parce qu'il y avait de la mélasse aussi, c'est très bon. C'est drôle quand même que toi puis Alain, vous avez avoir des goûts étranges pour les beurrés, vous autres. Ah, on peut mettre aussi de la confiture d'abricot, c'est aussi excellent. Bon, OK. peut-être trop traditionnaliste, je sais pas. J'accorde une note de 8 sur 10 et je vous propose d'en écouter deux pièces à l'instant qui sont respectivement What Lies Beyond ainsi que Dark Age of Rin. Et Eternal, let's go. 8 Eternal, deux pièces tirées de leur septième album et plus récente parution, Upon Desolate Sands, qui est paru le 26 octobre, à l'instar de Bloodbath. Avec tes goûts, ça améliore pas, toi. J'avoue qu'elle est bonne. Ben, ça dépend de l'angle où on se place. Ouais, hein, c'est ça, de l'angle que vous aviez speaker, je veux dire. Je savais que t'aimais pas ça, toi. Bon, c'est correct. Mais non, regarde, je vais te lire de quoi après tantôt, tu vas trouver ça super drôle. D'accord. C'était la pièce Dark Age of Ruin, qui est la septième pièce de l'album, et on a ouvert avec What Lies Beyond, soit la deuxième de ce septième album. Moi, j'aime vraiment l'intensité de ces groupes-là. D'être ça varie là, c'est sûr. Ah oui, mais encore là, celui-là, à part les Red Sands, c'est pas le plus heavy, le plus brutal de 8 Eternal. Moi, je te dis, honnêtement, écoute Fury and Flames, là, puis c'est l'album référence, là, l'album de 2008, là, c'est un album qui est très, très référence dans Brutal Death Metal. J'aime énormément cette intensité-là. Mais comme je dis un peu dans ma chronique sur réanimation à des.com, ben, c'est une plug, ça? Oh, je sais pas. Okay. Avec 8 Eternal, pas de surprise, la recette demeure la même, soit un death metal brutal à tendance technique et ravageur. Mon ami et collègue, notre ami et collègue, le Rockmaster, dit de 8 Eternal que c'est pour lui la même chose que d'écouter Skidoo. Effectivement. Je trouve ça très drôle. Ben, je te dirais, moi, ça avait peut-être l'air d'une mobilette, finalement. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord, évidemment, parce que j'adore cette dose de force brutale sans trop de finesse. J'adore l'odeur de l'essence. Non, j'aime pas vraiment, non. J'aime cette force brutale sans trop de finesse, mais attention, si la finesse n'est pas l'attribut premier du groupe, Eric Rutan structure par contre très bien sa musique. Mais j'avoue que 8 Eternal, c'est pas nécessairement pour les amateurs de métal plus traditionnel. Ils retrouveront jamais leur compte, là. C'est sûr. La semaine prochaine à réanimation, vous aurez l'énorme plaisir de nous retrouver, bien entendu. Oui, bien sûr. Oui, avec cette fois-ci l'incontournable segment de l'évolution métallique selon Sinistros. Oui. Qui va nous parler cette fois-ci de choses... De menteries, de mensonges, ouais, ben, de choses irréelles. Ben ça, on le sait. Là. Oui. En partant, on est conscient de ça. Mais on visite l'année 1980, épisode 2. Ouais, tu fabules assez bien, par contre. C'est pas pire. Ouais. Il y a des trucs là-dedans que je trouve fort corrects. Il y en a d'autres que je suis moins sûr, mais en tout cas... Année 80 qui se développe en trois segments. On a eu le segment le mois passé. On a ouais. Le deuxième segment ce mois-ci. Et... Pour terminer en beauté, l'année 2018, segment 1980, numéro 3. Voilà. En décembre. J'aurai aussi la présentation d'une formation. J'en ai pas cette semaine. La semaine prochaine, j'en ai pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ben non. Ah, des choses. Relativement intéressant, je suppose. Quoi qu'il en soit, ce vendredi, pour les amateurs de vrai rock, vous retrouverez notre ami et confrère, comme je disais, Rockmaster Alain Lefebvre, aux commandes de Rock Classic, émission à laquelle je n'insisterai pas cette semaine parce que je suis allé la semaine dernière, plus ça me dit pas. Ça, mon avis, ça te tente pas. Donc, Alain vous présentera une émission à caractère, émission régulière, avec évidemment les segments habituels de l'émission sur les éphémérides, des albums obscurs, albums classiques, ainsi qu'une programmation complètement farfelue. Donc, dès 11h jusqu'à 17h, ici, c'est Fou 89.1, classique. Aussi, ne manquez pas, de façon bi-hebdomadaire, notre ami DJ Tower of Death et sa subversive Subversion sur SoundCloud. Donc, d'ailleurs, est-ce que t'as entendu l'émission où Tower fait faire à Horace des back vocals? Oui. Ah, c'est incroyable. Mais qui aurait cru qu'un petit singe aussi petit que ça soit une vedette? Mais dans oui, c'est incroyable. Donc, émission toujours intéressante avec aussi Tower est très, a très souvent des invités, des entrevues, des Metal for Breakfast. Donc, beaucoup d'échanges qui se font entre les divers artisans de la musique métal, souvent québécoise, donc Subversion sur SoundCloud. Et le blog de notre ami, c'est l'ami à qui? L'ami à Horace. L'ami du Saint-Gobelin. Saint-Gobelin. Saint-Gobelin Sinistro, son blog hurlemort.com, sur lequel il fait des chroniques de temps en temps, là, quand ça tente. Douteuse aussi, oui. Et parfois complètement fausse, bien sûr. Oui, c'est tout le temps faux. Mais encore là, je trouve que tu fabules bien. Avec des notes très, très haussées. Des notes qui signifient à peu près n'importe quoi. Par contre, il faut dire quelque chose de Sinistro, tu as une belle plume. Ben oui, quand même. Mais je parle que celle que tu as dans les cheveux. Une plume de moineau, une plume de moineau. C'est à toi qu'il incombe de clore ce dernier, dernier bloc de l'édition de réanimation. On va finir avec un bon petit bloc bien death metal juteux. Ah, j'ai rien contre, j'ai rien contre. C'est sûr. Avec trois formations qui sont quand même très, très bonnes. Cold Worker, Body Farm et Vomitory. Ben oui, hey, tu sais que Vomitory sont formés. Oui, ça sont formés. Mais il n'y a rien de nouveau encore. Là. Puis ça fait quand même deux ans. D'après moi, en 2019, il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, oui, ça serait bien. Oui, effectivement. Alors, on va voir Cold Worker, groupe suédois, avec The Reprobate. C'est paru sur The Doomsayer's Call. Paru le 13 février 2012 sur Listenable Records. Mm-hmm. Nous aurons Body Farm, défunte formation. Ben Body oui. Farm. C'était pas vilain, ça. Non, excuse, c'est Cold Worker qui est défunte. Ah, c'est Body Farm, ah, oui. Existe encore. Ah. Oui. C'est mon erreur. Body Farm avec la pièce de Dark Age qui est parue sur Battle Breed, sur laquelle on peut entendre Martin Van Dronen. Oui, c'est vrai. De Asphyx, avec. C'est paru en 2015 sur Cyclone Empire. Et Vomitory, également de la Suède, avec la pièce Bloodstained, qui est paru sur Opus Mortis 8. Leur dernier en ligne. Dernier en ligne, c'est ça, qui est apparu sur Metal Blade en 2011. 25 avril, pour être juste. Voilà. Eh bien, on se retrouve mardi prochain vers 19h pour une autre édition de réanimation. Et d'ici là, allez tous vous faire foutre. C'est... Yeah. Soldiers of God.